Est-ce que vous redoutez la réaction du Vatican? Non, je sais que... Putain de temps m'aurait pendu pour ce que je pense au fond de moi. La religion m'a attendu, elle m'attendra, voilà mes fondements. Sans elle, je serais pas perdu en cas d'effondrement. Le miracle, je l'ai pas vu, mais ce qu'elle fait est dément. Ne vois-tu pas que ça fait pisser le sang en brandissant des livres saints? J'avoue, la foi, c'est ça. Dis-moi combien sont les assassins? Dis-moi combien de pourcents sont dévissés malsains? Porte la croix au cou, mais on quitte du dur sous le coussin. Comme celui qui pète un câble sans soudain pousser. Hier incapable, ce matin prêt à tout exaucer. Pas de blague, je taille les mains comme sur les dessins. Et aux urgences, tu diras que les stigmates apparaissent. C'est fou ça, la religion, c'est tout ça. Écoute, tu sais que l'un des instants en douce. Que fait ton Dieu quand ton peuple a la mort aux trousses? A-t-il peur de la brousse? Serait-il froussard? Que dire de bouche au doigt sur le bouton poussoir? Est-il protégé Dieu quand il réduit le monde en poussière? On peut le dire, God bless America. Après la messe, la guerre, putain, ça me laisse américain. Est-ce que ton Dieu cautionne la mort dans ce cas? Pourquoi ferme-t-il les yeux? Jamais ne sort-il de son bosquet? Là où danse-t-il sur Douchka? Sur terre, le chant du Pushka me pousse à croire qu'il n'existe que sur fresque. J'ai prié, ça résonne, alors je suis athée. Dites-moi si c'est grave, je prie personne avant de me pioter. Et je tout raté, dites-moi le prix que ça va me coûter. Laisse tomber, je ferai ça de l'autre côté. Raté, parce que j'ai demandé de l'aide et que je me suis gratté. La synthé, as-tu vu sur papier ou dans la cité? Raté, c'est ce qu'on dit. J'aurais peut-être pas trop pardon, mais être maudit. Que l'on me dise, suis-je fou, ai-je tout loupé? La sainte dièse, si à mon âge la foi ne s'est pas développée. Dans ce monde où l'homme est devenu là-bas pour protéger son dôme, faut croire qu'en soi et son épée. J'ai jamais douté, notre de preuve à l'appui. Comme ce type qui dans l'épreuve ira prier sous la pluie. Pour colmater ses plaies, demande à Dieu le supplie. Mais il va récolter de bénite et non son appui. Dieu est-il malentendant? Entend-il pas les cris de ce père qui le demande en se pendant? Ne crois-tu pas que notre monde est laissé à l'abandon? Le bal sur terre, je crois qu'il y a les démons qui bandent son aide. Juste pour un but de pépéto, rien pour le ghetto. Ça reste la merde à Soweto. Peut-être que Dieu n'est pas au masse le veto. C'est bête, il rate tous les massacres de l'armée NATO. Mon fils me dira papa, mais où est Dieu quand il pit tout? Je répondrai, va dans le placard, chercher des pépitos. C'est tout, les réponses tu les auras bien assez tôt. Assis-toi fiston, prends ta manette et vas-y casse tout. Est-ce tout ce que Dieu peut nous offrir? Urgence et blues, c'est trop la pèse. Quand t'as 11 ans tu pars d'une balle de 12. Et Dieu, tous tes cousins sont bons qu'à se gazer. Je t'existe vraiment, alors qu'il est, tu dois être blasé. J'ai prié, ça résonne, alors je suis athée. Dites-moi si c'est grave, je prie personne avant de me pioter. Et je tout raté, dites-moi le prix que ça va me coûter. Laisse tomber, je ferai ça de l'autre côté. Raté, parce que j'ai demandé de l'aide et que je me suis gratté. La synthé, as-tu vu sur papier ou dans la cité? Raté, c'est ce qu'on dit. J'aurais peut-être pas trop pardon, mais être maudit.